بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. عوائق طلب العلم، les obstacles sur la voie de la recherche de la science. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنكمل هذا الموضوع المهم، عوائق على طريق طالب العلم. فما هي العوائق؟ ما معنى العوائق؟ ذكرناه أمس. ما معنى العوائق؟ أحسنت، بالعربية ما معنى عوائق؟ أحسنت، الموانع الذي يمنع من الوصول إلى شيء، هذه عوائق. وذكرنا منها أربعة أظن. نعم، الأولى أبو بكر، لا، فساد النية. أما إن كانت النية حسنة فهذا من أعظم أسباب حصول العلم. الثاني من العوائق آدم، أحسنت، حب الشهرة. Et ça, ça revient à la niya, à la mauvaise niya. À Thalit qu'on a cité, Nour, hein? Ahsan, tark al-amal. Ou al-rabi', Lizaq. Ahsan, t'akhud al-ilm inda ghayri ahli. Wa hada, kulluhu taqaddama ams. Min al-awa'iq kathalik, tadi' al-awqat. Ay, gaspiller son temps. هذا من أعظم العوائق. فتعلمون أن الوقت النعمة من نعم الله، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة هي النعمة من نعم الله، la bonne santé، والفراغ كذلك، الفراغ c'est le temps libre. فدو نعمة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé أن كثير من الناس ils donnent pas d'importance. La bonne santé, الصحة والفراغ, le temps libre. والعلم كما تعلمون الطريق طريقة هذا العلم لطويلة جدا. فالعلم كثير، الكتب كثيرة، الفنون كثيرة. لا شك أن الطالب لابد أن يحافظ على هذا الوقت، يحافظ على هذا الوقت. قال الحسن البصري رحمه الله الإمام، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذا أثر جميل. حسن البصري تموت أن أنت تبي que ce jour qui passe un après l'autre. Le temps, c'est ça ta vie. يا ابن آدم إنما أنت أيام. فأنت Anta, tu dépends de ce temps. Enfin, un jour, ce temps, il va s'arrêter. Aïe, fait dunya. Fa, ihrus ala ma yanfa'uk, comme a parlé Aïe, sallallahu alayhi wa sallam. Wa salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient haris ala l'waq jiddan. Et fa, l'haqiqa, dès que tu lis la biographie du salaf, ou certaines parties comme on a lu hier et comme on va lire aujourd'hui bi'idhnillah azza wa jal, tu comprends pourquoi ha'oula ils nous ont dépassé et pourquoi ha'oula ils ont atteint un haut niveau fil ilm wa fil taqwa fil amal. Tu comprends ça. الصمعاني رحمه الله في أدب الإملاء والاستملاء ذكر أن المحدث في الزمن القديم بيسوق تعلمون على الوقت إذا ما كان ميكرو إلى آخره وبعض المحدثين كانت الحلقة تبلغ أكثر من 100,000 سيقطة محدث تصور أنت جلسة 100,000 بيرسون هذا سي أن محدث أن محدد إلا إذا ما كان ميكرو فالطريقة التي معروفة أن المحدث مثلا يقول حدثنا أو أخبرنا مالك مثلا يقول هكذا فceux qui sont devant lui répètent à ceux qui sont derrière إلى آخره chacun il fait passer le kalam de Sheikh à son voisin à son frère إلى آخره حتى ينتشر الكلام ثم الكلام يرجع الشيخ هذا ça demande du temps. Une halqa de 5000, 10,000, 50,000, 100,000, ça demande du temps. قال السمعاني رحمه الله قال أو بمعنى كلامه قال ينقلون هذه الكلمة كان المحدث في هذه اللحظة لا يضيع وقته أو لا يضيع أي هو وقته بل يستغفر الله ويسبح حتى ترجع عليه الكرة مرة أخرى. انظر في هذا الوقت هو le temps que Jami al-Halqa ils ont entendu ce qu'il a dit فهو يستغفر الله ويسبح. هذا ستمخى حرص عظيم حتى ce petit moment هو فإلى في عبادة. وهذا الإمام الشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يذكرون عنه عجائب في هذا الباب. ومن ذلك parmi les choses qu'ils ont citées, qu'ils ont rapportées à Al-Sheikh Abdelaziz rahimahullah, annahu kana ta'lamun annahu il était occupé jiddan rahimahullah, il était le mufti, il était kada, fa il se déplaçait beaucoup en voiture rahimahullah. Wa huwa rahimahullah il était aveugle. Son fils il rapporte anna que dans les trajets qu'il a fait, il n'est pas, rahimahullah, il sortait pas min al-mamlaka, il restait dans son pays. Enfin, les petits trajets qu'il faisait, son fils, il a cité annahu, il a lu plusieurs livres. Ah, c'est un frère qui lit sur lui. Il annahu, il est aveugle. Qala Ahmed, le fils de Cheikh Ibn Baz, qala quri'a alayhi ighathatul lahafan. Wa al-iqna' ibn al-mundhir. ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وغير ذلك ساسي دون الفواياج فقط إغاثة اللهفان اللي هو أبخيمي 4, 5, 6 فوليوم أو هكذا أو 2 أو 3 تصور الشيخ بن باز خواك اللي بنيو كم ساعة جوغ لندما هكذا أبدا كم توا ستان أنفو إلى آخر لكن لا ديفرنس اللي لا الإخلاص avec ses efforts ça fait deux أئمة وغير ذلك كثير. أما نحن نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا يضيع علينا الوقت كثيرا نحن نطن بكو في الحقيقة أما مستوى هذا تغنو سبابنيق بإذن الله ونسبق هذا لكن نحن الآن يدي أوقات تضيع علينا كثير بلا حاجة Et c'est ça, nous, qui nous fait du mal, jiddan. C'est ça qui nous fait du mal. Il y en a la personne, il peut comprendre, il n'est pas plus bête qu'un autre. Il aime l'ilm, peut-être comme un autre. Là, qu'est-ce qui nous fait du mal, c'est huna. Anta, tu le vois, il y a des talibs, ils arrivent à avancer sur l'ilm. Ils arrivent à finir des livres, à finir kada. Tu le vois, ils progressent. Tu vois des autres, là. Oh, ils progressent, là, qu'ils ne pas comme il faut. Pas comme ils pourraient. Tout ça, le sabab, on a le waqt. Le waqt. Wa antabih li wasawis iblis. Un jour, deux jours, une semaine, ça passe très vite. Wa min hadhi al-umur allati yadhi' fiha al-waqt kathir, an-nawm. An-nawm. Ay, le sommeil. Hadha al-waqt yadhhab kathir. Sahih. Talib al-ilm, il doit dormir, la shak. Et il doit avoir une partie, la chèque. Son jassad, il a un haq sur lui. Lakin, à l'istursal, fi hada, ça fait du mal, jiddan. À y dépasser les limites. dépasser les limites. كذلك القيل والقال القيل والقال فلان il a dit, فلان il a fait, j'ai entendu, on m'a dit, هذا ça fait du mal جدا au talib. قيل وقال, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de neuf. À هذا الوقت ça va très vite. خاصة أن بعض الطلاب لا ينتبه فإي veut parler une minute à lui, une minute à lui, une minute à lui. À la fin, il a ضيع une heure. أما le premier, il a ضيع qu'une minute. سهل, il est parti, il t'a laissé. فانتبه. انتبه. أنت t'es un طالب. T'es un طالب. T'es pas un passe-temps pour فلان ou فلان. Il y en a فلان, il va passer maintenant un frère. Viens, on va boire. L'autre, je t'invite. L'autre, il faut que. L'autre, il y a un temps. واعلم ان السيتي كوني بور سا ستتعب ديك انا غير افير فارغ يبا تشيرشي ليه وفلان صحيح الارواح جنود مجنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سو كي سوسومبل اي ساسومبل فانتبه اما والله السيتي كوني بور العلم والاجتهاد يبا دوار دو لوان الفارغ يبا دير لا هذا جو علي با نصح يبا احسن لك فانتبه انتبه هذا الوقت سي سا كما قال حسن البصري سي سا تا في نحن دي با تو روجيت لو فرير ابدا لا توجور لو بون كومبورتمون لكن تو لي اكسبليك يا اخي اون بروغرام يا اخي كذا يا اخي ولا باس دو طون زون طون لا باس لا باس لا بيرسون ان بو طون اي بوا افيك ان فرير اي مانج لا باس لكن ان بو اما دائما هكذا فوضى ان جور لو ماتان ان جور لو ميدي ان جور لو سوار فهذا سيتعب كذلك من الأمور التي يضيع فيها الوقت كثرة السفريات لفت دي فواياجي بوكو هذا صافي دو مال وطالب ان جور صنعاء ان جور هنا ان جور هنا هذا صافي لو فير دو مال صافي لو فير دو مال جدا الا الحاجه معروف احيانا يا با الشوا اون مالادي هذا لا باس هذا بل هذا سلام بنيه ان شاء الله اللي ماجور Il est majeur, s'il voyage pour une chose utile, il est à l'akhiré. Il est à l'akhiré. Mais nous, on parle des choses, il n'y a aucune utilité. كذلك, من الأمور التي تضيع أوقات الطلاب الفتن. Il est avec un frère, مثلاً, et un sujet ambigu. Ou une fitna, elle est finie à 30 ans. Ou, ça fait du mal pour Talib. Ou voilà, il n'est pas concerné, ممكن. ثانياً, il faut faire des recherches pour enlever cette shubha. ثالثاً, إلى آخره, الوقت يضيع. الوقت يضيع. فأنت طالب, ça viendra les jours où tu comprendras certaines choses, les jours où tu pourras parler dans certaines choses. أما الآن, في مرحلة الطلب. Si t'as un problème, إلى آخره, demande. فاسألوا أهل الذكر, إن كنتم لا تعلمون. أما قيل وقال, ودي الشبه, ودي فتن, peut-être que la personne lui-même, il saura plus, ou il sera touché par cette fitna. Comme on l'a déjà vu. الحرص, الحرص على الأوقات. خاصة في هذا المكان, كما تعلمون. خاصة نحن ici. Un jour tibakha, un jour taknis al-masjid. هذا, la personne, مثل هذه الأوقات, il profite الآن. Il profite. صلى الله سبحانه وتعالى, أن يوفق الجميع. كذلك, من العوائق, et ça revient à l'obstacle qu'on vient de citer, le fait de perdre son temps. من العوائق كذلك التخبط في أخذ العلم والفوضوية في أخذ العلم التخبط في أخذ العلم أي il n'a pas de programme هو il est désorganisé un jour هنا un jour هنا un jour il commence un livre un autre jour il ouvre un autre وهكذا هذا سمن أعظم أسباب وضياع كثير من طلبة العلم. Ils n'arrivent pas à avancer. قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله قال طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رضي الله عنهم. الإمام ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر اتمض أن طلب العلم درجات ومناقل ورتب. Ce chemin الآن, cette science, elle a des niveaux, elle a des degrés, elle a une méthodologie. C'est pas هكذا. C'est pas هكذا. Un arabe, c'est pas un arabe. Hada, il comprend, il pourra maîtriser les textes et l'akhiré. Hada, il comprend pas. Ils sont pas au même niveau, là. C'est pas au même niveau. Un frère qui a une semaine fait talab ilm, c'est pas un frère qui a 10 ans. C'est pas la même chose. Hada, il va comprendre des choses. Wahakada. Chaque chose à sa place et chacun à sa place. Qala, la yambaghi ta'addiha. Ma'am. La personne, il n'a pas le droit, c'est un deen. Pas le droit de faire ce qu'il veut, fait l'ilm. Qala, ومن تعدى سبيلهم عمدا ضل ومن تعداها مجتهدا زل فعليك يا اخي بحفظ الاصول والعنايه بها. الان ابن عبد البر il nous a montré en aperçu général ان هذا العلم الى الميثودولوجي طريقه الى cité فعليك يا اخي il conseille بحفظ الاصول والعنايه بها. C'est ça العلم. حفظ الاصول. Tu te concentres sur les fondements. Les premiers fondements, le Coran ou le Sunna. Talib Im, il essaye de hafad ce qu'il peut, mais le Coran ou le Sunna. Kadalik, il hafad au sol fi tawhid. Au sol fi al-aqida, au sol fi al-fiqh, ou fi al-hadith. C'est ça l'ilm. Chaque chose à sa place. Amma, un jour, il est dans un kitab, il ne comprend pas maintenant fil au sol. Thomas, il ne comprend pas, il ferme. Il prend un autre livre, fil mustalah. Thomas, il n'ira pas loin. Bel, c'est une cause. Annahu yadhiq et il délaisse. Shaitan, il va lui faire croire que c'est trop dur pour toi. Fais quelque chose d'autre. Wa l'imam Sa'di, rahimahullah, zakara. Anna talib. Nahnou, naqra bi ikhtisar. Lianna, ça, c'est un autre sujet. لعل الله سبحانه وتعالى يفسيلت اون اكسبليكها في جلسه اخرى المنهجيه كما طلب العلم باركو كومونسي الى اخره لكن الان نحن درنا بيرسي فقط اما نو سكي نوز انتريس سي لوبستاكل فقط. قال الشيخ سعدي رحمه الله الى ست الكلام الى مونتري ان طالب علم يدوا سوكي يدوا سون اوكوباسيون في الاصول لي فوندمون. ثم قال لان طالب العلم اذا حفظ الاصول الشيخ سعدي ذكر من الأصول القرآن. سمهم أصل الدين كلام الله عز وجل كلام رب العالمين سلا غيفيرونس في الدين avec سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الشيخ سعدي موضح أن طالب العلم il essaye d'apprendre et comprendre un متن par فن. فلهذا نحن on a pris cette طريقة في دراسة هذه العلوم أي un matn par fun. Si Talib al-ilm il apprend un petit une petite risala, un petit livre dans chaque matière, il l'apprend maintenant par cœur et il le comprend, ça va lui ouvrir toutes les portes. L'Iana il a des bases, il a des bases dans le sol, il a des bases, il a une risala par cœur avec l'adilla et il a compris. N'importe quel livre qui vient après, ça va lui faciliter, il a des bagages. Il ne sait même pas de quoi on parle. Il ne sait même pas le sujet. Je le trouve, il ouvre le livre. Il ne comprendra pas. Illa yasha'Allah. Fa hada. Hada. Qal. Liannahu. Lianna talib al-ilm. Idha hafidh al-usul. Wa sara lahu malaka tamma. Wa ma'rifatuha. Ay hadhi al-usul. Qal hanat alayhi kutub al-fan. Kulluha al-sigar wa al-kibar. Hada. N'importe quel livre qui va venir après, il a des bagages, il a des fondements. Et n'importe quelle mas'ala, il peut comprendre. Que ce soit une mas'ala dans l'usul, dans le fiqh, dans le hadith, il a des bases. Qala, wa man dhaya al-usul, hurrima al-usul. Wa hada al-shahid. Man dhaya al-usul, hurrima al-usul. Celui qui dhaya al-usul, pas de Coran. Il ne connaît rien mais la sunna. Il n'a pas de fondement dans le tawhid, pas de fondement dans l'aqida, pas de fondement dans le hadith, pas de fondement dans le fiqh. Ah, là, il ne pourra pas avancer. Abadan. Ah, là, ça va être comme un ami. Il va avoir du ilm, mais ça va être des informations. Fakat. Cheikh Foulan, il a dit ça. Khalas. Si tu sors du sujet, il est perdu. Et ça, ce n'est pas un talib ilm. Et le fitan ta'ti min mitl ha'oula kathir. Matalan. Vu que son ilm c'est que des informations, une fatwa huna, une fatwa huna. C'est pas un talib. C'est pas un talib. La tariqa qu'il a cité Cheikh Saadi. Fa matalan un jour, wahadi, on l'a tous vécu. Matalan un jour, tu cites un qawl qui connaît pas, il croit que tu es à la khata. لماذا لأن الوسع علم لغستخا يكروك سيسا مثلا تدي dans cette مسألة il faut faire كذا كذا كذا lui il croit que خلاص تخالف القرآن والسنة والسلف il manque plus que le حكم est-ce que tu as مبتدع ام لا عنده لأن c'est un مسكين il sait pas العلم il connaît pas il a lu une fatwa de Cheikh Ibn Baz il croit que خلاص c'est ça العلم لا il sait pas que مثلا Cheikh Al-Albani il a خالف Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah le prophète صلى الله عليه وسلم il a hadith il montre أن الصواب c'est كذا il sait pas où est tout ça et par cette porte les fitan elles viennent. وسيأتي إشارة على هذا قال فمن أي الشيخ سعدي فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له بعلمه ومن سلك في طلب العلم أو في طلبه للعلم غير طريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة الشيخ سعدي يتموت أن السلوي كبخون العلم avec la méthodologie des salaf petit à petit ça y est ma'ana tadarruj et l'usul et l'hifd son ilm il va être fondé il a toutes les clés pour réussir inshallah si Allah il le waffaq et s'il a une bonne niya amma celui il a taqabbat pas de méthodologie un jour là un jour là un jour je rentre dans le dars un jour j'arrête un jour j'ahfad il arrive au troisième hadith il a akhiré هذا قال ولم يدرك إلا العناء العناء c'est التعب il va se fatiguer فقط il va se fatiguer et il peut tout laisser c'est trop lourd pour lui العناية avant de طلب العلم ابخر la méthodologie والله même si tu mets un mois la méthodologie فقط والله t'as pas perdu ton temps tu viens à Hakata et tu fonces un jour là wallah tu vas faire une année casse départ yana c'est pas comme ça là tu vas voir t'as rien compris un peu d'osoul un peu là un peu d'aqida un peu de tawhid Quran talashi kada tu vas dire allez casse départ et on repart celui qui fait ça il est à la khair il revient et il reprend la bonne méthodologie lakin al musiba c'est celui qui estimir une nasiha deux nasiha un cours deux cours la yafham hada il est à la khatar لأن الكلام الآن il est pas سهل ولم يدرك إلا العناء c'est pas سهل tu sais pas si tu vas patienter tu vas pouvoir à chaque fois revenir tu sais pas كم من الناس ils ont arrêté العلم à cause de هذا il peut plus قال السحنون رحمه الله قال أجسر الناس الآن الإمام سحنون رحمه الله on a cité ce كلام نحن pour vous montrer ce qui peut résulter un fruit de celui qui ne tlope pas l'ilm comme il faut. Qala ashar an-nas 'ala al-fujja aqalluhum 'ilma fa yakun 'inda ar-rajul al-bab al-wahid min al-'ilm fa yadhun anna al-haqq kulluhu fihi. C'est ce qu'on a cité. استفدنا من كلام سحنون رحمه الله. Ashar an-nas 'ala al-fatwa al-fujja aqalluhum 'ilma. Tu trouves ceux qui se précipitent, ceux qui parlent plus. Que ça soit fatwa ou autre, tu trouveras que c'est les gens qui ont le moins de ilm. Mais là, ils croient que c'est simple. Hakada, yarjum bi kalimah wa la yubali. La yubali. Qala fa yakun inda ar-rajul al-bab wahid min al-ilm fa yadhun anna al-haqq kulluhu bi. Hada, c'est le résultat qu'il n'a pas de tab al-ilm. Il connaît une mas'ala. Il croit que khalas, tout l'ilm c'est ça. Tout l'ilm c'est ça. On peut donner des exemples. Yahsul kathir. Khasadan fi masail al-khilaf. Khassatan, il croit que tu n'as pas fait son qawl, il croit que tu as forcément tort. Taqillah. Taqillah, l'ilm est wasi'. Tu dois connaître avant de parler al-aqwal. Qui sait qu'a raison, qui sait qu'a pas raison, il a akhiré. Thomas, tu peux te permettre de parler. Amma, tu as un qawl, tu crois que celui qui te khalif, il a tort. Fahada, c'est min al-jahl al-azim. Wa nadkur ba'da al-suwar fi al-takhabbut fi al-ilm. التي تحصل كثيرا نحن للسب pour les éviter أن بعض الناس يتخبطون أي ils sont pas organisés ils sont du mal بسبب كثرة الدروس ils croient que plus il prend plus il va avoir du ilm ça c'est un خطأ c'est pas tu prends 8 دروس خلاص tu vas avoir plus de ilm que celui qui en prend 2 أبدا لأن là t'as des limites un درس si tu le prends tu dois le réviser tu dois le finir il a akhiré. Amma un dars, tu révises pas et tu le finis pas, فإذا تغبير أكوال الدرس بل شو دوزيام درس يعني كي أوتشو تا كاباسيتي سي أن أوبستاكل يا جماعة لا بيرسون إيش ليميت أن درس دو طيب Un frère, vraiment, il sent, il est motivé, il a la capacité 3. Yakfi 3. Al-Ahsan 2. Celui qui sent qu'il a du mal, 1. C'est mieux 1. Révisé. Il a appris les adillah. Et bi'idnillah, il revient plus jamais à ce dars une fois. Et il avance que 3, 5, 6 dros, il est obligé à chaque fois de revenir. كذلك من الأمور التي يحصل فيها التخبط الانتقال من درس إلى درس. ça fait du mal جدا. Tu le trouves, il rentre dans un درس. Il est à la خير. Une semaine, on ne sait pas c'est quoi la cause. Là, il doit aller, il laisse et là, on m'a dit, لا يا أخي اتق الله. Il m'a rentré dans le درس. Et concentre-toi, tu finis بإذن الله. T'auras acquis des choses. Et ma akhi rentre pas dès le début. Amma, une semaine là, il goûte. Un peu là. Là, c'est pas hakada l'ilm. C'est pas hakada. Tu rentres dans un dars, lâche pas. Sauf si une haja. Maintenant, tu rentres dans un dars, tu comprends pas. Tu rentres dans un dars, le mudarris, il a une mauvaise méthode. Tu rentres dans un dars, t'as compris. Tu croyais qu'un test c'était un autre livre. T'avais mal compris. Hada, là, bad. La kinsa, t'assistes à un cours, faqat. Premier cours, tu vois que c'est pas trop pour toi, il n'y a aucun mal, tu vas dans un autre temps. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Amma, une semaine, deux semaines, un mois, voilà. Ahyanan, wallah, il y a des frères, ils font douros, il reste 5 jours. Ça fait 3 mois, net ta'ab il akhir, 5 jours, khalas, il part. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il fait, il est où, hada, ça fait peur, ya jama'a. Kadhalik. من التخبط الانتقال من متن إلى متن في الحفظ بلا حاجة نفس الشيء il commence 40 نووية il apprend 10 حديث après là il faut on m'a dit que عمدة الأحكام c'était bien طيب عمدة الأحكام سمين أنفع الكتب تفضل il commence عمدة الأحكام 10 20 30 واو on m'a dit que بلوغ المرام c'était mieux يلا بلوغ المرام c'est mieux il commence بلوغ المرام 20 hadiths. On m'a dit que Sahih al-Bukhari c'était le meilleur livre, si tu veux. Faddal. À la fin, rien du tout. À la fin, 40, il l'a pas hafad. Umda, il l'a pas hafad. Boulour, il l'a pas hafad. Et le Bukhari, c'est un rêve. Et Bukhari, c'est pour Mujtahidin, Bukhari. Bukhari, c'est 6000 hadiths. Aïna an, t'apprends à 40. Après la 40, t'as vu le shaitan. Le shaitan, il va pas venir dire le Bukhari, c'est nul. Abatan. Il va dire le Bukhari, c'est le meilleur livre. Lakin, entabé. Ntabé, tu connais pas Juz Amma, fais attention. Apprends tranquillement et il a khiré, hatta yaftah Allah alayk. Et ne minimise pas l'arba'in nawawiyya. Al-Bukhari c'est kalam al-Rasoul, l'arba'in nawawiyya c'est kalam al-Rasoul. Prends un peu, et si tu sens, t'as appris l'arba'in, t'as appris l'umda, ou le boulour, et tu sens, t'as la force, fais-le, on va t'encourager pour Sahih al-Bukhari. Amma ya akhi, t'as du mal à t'en sortir avec l'arba'in, anta l'an, l'arba'in nawawiyya c'est ton djihad. Tu le finis, tu seras à la khayr. Al-Khulasa, anna talib al-ilm pour éviter tout ça, il doit faire un programme. La boud. C'est triste de voir un talib, il vient, la journée elle commence, il ne sait pas quoi faire. C'est triste, dit-elle. Il vient au masjid, il ne sait pas, qu'est-ce que je veux faire. Est-ce qu'il va hafad? Est-ce qu'il. Si un darsi s'assoit, c'est grave. Là, talib al-ilm, il doit avoir un programme. Tous les jours le même. Le matin, je hafad kada, après j'ai un darsi, après je vais manger, après j'ai une sieste, après. Hakada. C'est pour ça, comme on a déjà dit au frère, talib al-ilm al-mujtahid, tu le trouveras toujours au même endroit, au même moment. Da'iman. Et analyse la vie de ton cheikh, tu verras. T'as déjà vu cheikh Yahya Nta à 10h du matin au Hadab en train de marcher, tu l'as déjà vu, Batan. Batan, il n'a pas le temps, il a un programme. Tu l'as déjà vu entre le Maghreb et l'Isha, il vient pour le Dars. Là, je vais aller boire un thé avec un frère. Batan, cheikh Yahya, c'est un être humain, t'es un être humain. Regarde en dessous de cheikh Yahya et tu verras. Wallah, il est ton lab. Analyse bien, wallah tu le vois toujours au même endroit au même moment. Après le dhuhr, il est dans le coin là-bas. Après l'isha, tu le vois, il est kada. Wa kada. Hada, il avance. Hada, il avance. On conseille, nahnou, les frères, fais-toi un programme et fais-le simple. Fais-le par rapport à ton niveau. Et accroche-toi. On écrit, il dit il faut faire un programme, on s'assoit, on fait le programme, le jour d'après, on dirait on s'est trompé dans le programme. Et après on avait dit lundi matin, non mais je vais voir et tout. Après pourquoi on a écrit? Les choses faut qu'elles soient claires, Jamaa. كذلك من العوائق الانقطاع وعدم الاستمرار سأقول كذلك سكون أبي أبو الانقطاع وعدم الاستمرار أي il est pas régulier l'irrégularité هذا من أعظم من أعظم من أعظم أسباب الانقطاع لأنه chaque fois il commence une chose, il l'arrête, il revient, il arrête, il revient. Hada, yani ça fait du mal vite. Ça fait du mal. Ça revient à ce qu'on a dit, l'organisation, la bonne niya, il a arrêté. Celui qui a une bonne niya, il est bien organisé, il n'y a pas de raison qu'il arrête. Pourquoi il va arrêter? C'est que du bien. Il ne peut pas arrêter, peut-être. Parce que si, Akhil Karim, tu vois ton œuf, tu n'arrives pas à finir, cherche les esbab, cherche les causes, il y a quelque chose. Vérifie ta niya. Vérifie avec qui tu marches. Vérifie qu'elle a avec les donos. Vérifie c'est quoi que tu veux. Est-ce que tu veux ça, même là? Eh bien, Allah, ça te facilitera. As-salaf, leur istimrar, il était adi. Et kadhalik, c'est une des causes pourquoi ils ont atteint ce niveau. Yadkurun, an Ibrahim al-Harbi, rahimahullah, min a'immat al-lugha. Yadkur Abu al-Abbas, c'est un autre imam de la lugha. Il cite sur Ibrahim هذا الحربي رحمه الله قال ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة 50 ans 50 années il n'a jamais vu Ibrahim il a loupé un درس أبدا ça c'est du نحو c'est du نحو c'est devenu un imam dans ce fin انظر la bonne vie نحسبه كذلك les efforts la régularité des années ça devient une référence dans le نحو خلاص Allah subhanahu wa ta'ala yanfa' bihi al-umma dans ce bab 50 ans fil nahw qala كذلك عن وهب ابن جرير عن ابيه جرير قال قال جلست الى الحسن 7 سنين لم اخرم منه يوما واحدا اصوم واذهب اليه انظر هذا 6 ans هذا 7 ans il a jamais loupé درس الحسن البصري الامام رحمه الله اي جون هو كثير الصيام اي ديز جوجن اي مو درس الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد كذلك من العوائق من عوائق الطلب لي زوبستاك parmi les obstacles استعجال الثمره il veut tout savoir d'un coup il veut vite les fruits un mois, deux mois, khalas, il veut des fruits استعجال الثمرة هذا سبعيد هذا هذا العلم يدمن دو طو تأمل موقف إبراهيم الحربي 50 ans وهو في النحو سيدفنها إمام un an, deux ans يصبر حتى فتح الله عليه فاستعجال الثمرة بعض الناس يبو فيت يبو فيت يبو حفظ القرآن وين سمان يبو كذا يبو كذا يصبر الإمام الشافعي رحمه الله لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثر على كل شيء الإمام الشافعي دي تتغطى au niveau في هذا الشأن أيضا العلم jusqu'à que tu goûtes à la pauvreté حتى يضر به الفقر قال ويؤثر على كل شيء ça peut être la pauvreté ou autre chose لكن المهم أن pour atteindre au niveau لا بد la personne des sacrifices, la bout des épreuves, la bout de patience. Et là, Allah, avec le temps, la sincérité, voilà aussi, il est à la khay. Ça devient maintenant un mudarris, il est mutqin dans l'ura ou dans le tawhid, dans le hadith, il est à la khay. Rien fait à l'umma via d'albab. Sans négliger les autres matières. Wa qala l'imam al-Zuhri, rahimahullah, Muhammad ibn Muslim. أبو بكر رحمه الله قال ليونس بن يزيد الأيلي قال il a conseillé, c'est son élève Younous, c'est l'élève de l'imam Az-Zuhri, قال ولكن خذه اي العلم مع الايام والليالي ولا تاخذ العلم جمله فان من اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الايام والليالي. هذا شيء نصيحه طيبه, نصيحه طيبه امام pour son élève. خذ العلم مع الايام والليالي اي petit à petit jour après jour. الان il lui montre ان العلم c'est pas une semaine فقط, لا. قال ولا تاخذ العلم جمله. On revient à notre مساله, la méthodologie. Il explique à son élève, prends pas العلم d'un coup هكذا. Un درس dans l'usul, un درس dans le hadith, un درس dans le fiqh, un درس dans le tawhid, un درس dans le lugha. يا اخي الان tu veux العلم tout d'un coup. Là, fais une matière, comprends-la. T'as fini, on passe à une autre. T'as fini, tu vas voir. Les années et les années, t'auras fait tout. Et t'auras compris. Amma tout d'un coup, là, ça va se mélanger. T'alamoun anna al-kuffar, c'est des kuffars. Mais vu qu'ils aiment le dunya, ils ont des programmes. Ils ont des programmes. Que ce soit les programmes d'université, de collège, de kata. Yata'aboun viha. Daiman, ils voient des problèmes, ils changent, ils rectifient. Ils savent que tout, ils jouent là. Amaniya, eux, ils n'ont pas. C'est des ashab dunya. Enfin, il ne reste que ça. Avec un programme, ils arrivent à faire sortir des docteurs, des avocats, des cas. Amama va à l'aucun maçon, il veut faire un peu d'avocat. Allez, on va faire un petit tour avec le dentiste. Mais elle va rien faire, Hada. Elle va finir SDF, Hada. Sahih. Prenons l'ilm, on ne fait pas comme ça, les nous. Akhi, l'ilm, c'est. Il veut devenir cheikh l'islam en une semaine. Et je comprends tout. Là, tout doucement, et daïman, daïman, demande. Daïman, demande. Ceux qui sont avant toi, ton chir, tes machaïrs, demande. J'ai fait ce livre, qu'est-ce que je fais? Où il va te montrer? Amma hakada, je veux tout faire là. Qala, on continue la parole du même Zuhri. Fa inna man akhadahu jumla, dhahaba anhu jumla. Ta'ammal. Anna le même Zuhri, il dit, il te montre, celui qui veut tout prendre, il va tout perdre. Et Al-An, c'est A'imma, A'imma Tsalaf. Younous, c'est devenu min akbar, min awthaq al-nas fil imam Zuhri. Al-An, haoula, c'est min A'imma Tsalaf. Ma balouk, nahnou, les masakines, on a un ijtihad faible, on a une niya faible, on a. Ma balouk. Qala, ou intaha, min jami' bayan al-ilm. Kadalik, min al-awa'iq, al-ya'as, ou al-qunut. Al-ya'as, ou al-qunut. Aïe, il désespère. Et il n'a pas confiance en lui. Ah là, il va se faire du mal. Al-ya'as ou al-qunut. Moi, je ne vais jamais réussir. J'arrive pas à hafad. J'arrive pas à me réveiller. J'arrive pas. J'arrive pas au trukha. J'arrive pas, il te fait que du mal. J'arrive pas, je peux pas. Moi, je suis pas comme les autres. J'ai qu'à la la la, t'es comme les autres. قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله سبحانه وتعالى dans ce verset nous montre والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah سبحانه وتعالى il a fait sortir l'être humain, l'enfant, du ventre de sa mère, il connaît rien. Pourquoi on a cité ce verset هنا? أن توا شيخ الإسلام شيخ مقبل شيخ بن باز عليهم رحمة الله tous vous aviez les mêmes صفات dès que vous êtes né. T'es un enfant, c'est un enfant, il connaît rien, tu connais rien, tous. Pourquoi lui il a réussi et pas toi? فأنت si tu pars بهذا المبدأ أن je suis un être humain comme les autres, je suis un musulman comme les autres, je suis un talab'im comme les autres, Inch'Allah il a réussi, je vais réussir بإذن الله. Il fait des efforts, je vais en faire plus. Tu vas voir que tu vas avancer. Amma daiman, daiman la victime. Là, je peux pas. Là, c'est trop pour moi. Moi, je suis pas. C'est shaitan, faqat. C'est shaitan. Shaitan, il vient min hadal bab jiddan. La tayas. La tayas. Au lieu de te morfondre sur toi des heures et l'akhiré, fais des efforts. Prends le mushaf, révise. Révise tes cours. Sois assidu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te dayera pas abadan. Et à jama'a l'essentiel c'est de mourir ala hada al-ilm. Nous on sait que c'est pas tous les tollabs qui deviendront des savants abadan. S'il sort un, deux, trois savants pour la umma, ni'ma wallahi alhamd. Lakin l'essentiel c'est de mourir ala hada al-ilm. Tu meurs, t'avais un tout petit niveau, t'es على علم يوم قيامته سغى بك طلبة العلم. المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا c'est ça l'essentiel. Après فلان يدفين صابون فلان يدفين صابون الله سبحانه وتعالى يشوازي كيف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة الله إلى لفكي هذا أنت سبا توا هذا إنك لا تهدي من أحبب أنت تشوف الزفاء لسانسيل تمر على عين الله سبحانه وتعالى إلى الحكمة كي سبايت كي لصابون كذا وكذا. فلا تحقر نفسك, تحقر النفس في جمال يا أخي. Ça ne fait pas partie de la modestie. Là, là, il a bissé avec Iblis. Là, Iblis, il vient, il fait passer cette surah modestie. Tu parles avec un frère, il dit là, là, je suis fatigué. Là, là, tu n'es pas fatigué. Tawadu, c'est fait tibé à la sunna, fait tibé à le Coran. C'est ça, tawadu. Amma, se faire du mal, bil wasawis, fa hada, c'est min a'zam al-awa'iq. Wa ta'amma al-qawru Allah Azza wa Jal. اقرأ وربك الأكرم, اقرأ وربك الأكرم. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى متكوز اقرأ لي أي في ذفه وربك الأكرم الله سبحانه وتعالى إلي كريم. كذلك استصعاب الأمور, استصعاب الأمور أصول فقه مش بغيبا أو سيانكور في المصطلح نوم مش شبيبا هذا أو لا لا لا تستصعب الأمور. العلماء يزون في دي ليفر دي بيتي ليفر بإذن الله tout le monde peut les comprendre بإذن الله إلا une personne vraiment elle a un ضعف هذا il fait des efforts. أما c'est des livres très simples et c'est pas un short tu comprends tout d'un coup. لا مثلا قدر الله on commence notre درس de أصول t'as du mal à comprendre, il est où le problème? Le problème c'est attention, tu ne fais pas des efforts. Si tu fais des efforts, t'as compris ou t'as pas trop compris, ça viendra. On répète, on répète, on révise, on répète, on révise. Mais idnillah, Fulan il aura compris une semaine, toi tu auras compris en trois semaines. Conclusion, les deux vous avez compris. C'est ça l'objectif. Lakin les efforts ya jama'a. La yunal هذا العلم براحة الجسد هكذا يجيز السلف منهم الإمام يحيى يحيى بن كثير لا ينال العلم براحة الجسد. Tu ne pourras pas arriver dans ce علم avec راحة الجسد avec le repos أبدا. فالإز إفور دائما. كذلك من العوائق les obstacles دنو الهمة أي avoir des objectifs très petits, ça fait du mal au طالب. طالب العلم يدو أبغى علو الهمة, يدو أبغى des objectifs élevés. بإذن الله, j'ai envie de devenir un savant. بإذن الله, j'ai envie de devenir un imam في الدين. بإذن الله, j'ai envie de حفظ القرآن, j'ai envie de حفظ كذا. أما الشيطان أحيانا يبيع من هذا الباب دونو الهمة. فتخوف واحد يقول لك مثلا أنا j'apprends 40 نووي ستو الحمد لله. يا أخي الآن سي 40 نووي أطلع pour 10 jours يا أخي. سيت مجتهد 4 حديث par jour انتهى. Ou un hadith par jour, 40 jours, etc. Ton objectif c'est 40 jours, faqat. Et en général, ceux qui ont cette himma, il finira avec 5 hadiths. Léana, il a mis la barre 40 hadiths, il finira 5 hadiths. Amma, anta, si tu mets la barre haute, j'ai envie de faire le Coran, j'ai envie de faire, si je peux, sahih muslim, sahih al-Bukhari. Ça, l'an, il faut faire une différence avec ce qu'on a dit avant. L'an, ça c'est des objectifs. Ça ne veut pas dire que tu te désorganises. Là, là tu as un objectif dans le coin, dans un coin de ta tête. Si Allah te facilite, tu feras ça. Ça va motiver le talib. Les gens ont une himma, elle est adjiba, comme elle est habita. Je fais Usul Talat, alhamdulillah. Usul Talat, c'est un livre pour les enfants. Usul Talat, on a pour trois semaines. Bi'idnillah Azza wa Jal. Il est mahfoud et il est compris. Et tous les autres kutub de tawhid, aynahum. فمثل بغوت مثل بغوت ولا تحقر نفسك الله سبحانه وتعالى يوفق كيف عز وجل. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف. هذا كلام طيب. أن ابن الجوزي va te montrer أن une des causes qui va te faire monter ta himma c'est le fait de lire la biographie des سلف. لأن tellement qu'ils ont mis la barre élevée رضي الله عنهم et tellement que le niveau il est haut, tu vas voir des objectifs. Et ça te montre qu'il y a les choses qui font du mal au talab al-ilm, c'est le fait de marcher avec quelqu'un qui a une himma habita. فالمصاحبة مهم في طلب العلم. مصاحبة مهم. Plus tu marches avec un frère, il est mujtahid, il est aqil, il est ba'id min al-fitan, il est muqbil ala sha'nih, ça te fera du bien jiddan. Amma avec un bai', tu te feras du mal. Qala Ibn al-Jawzi wa mutala'at tasanifihim wa akhbarihim, fal-istikthar min mutala'at kutubihim ru'ya lahum, فإنه يرى من علوم القوم علو همم ما يشحب خاطره ويحرك عزيمته للجد. نعم هذا طيب طيب. Tu lis la biographie des salaf. مثلا temps en temps الإمام أحمد الإمام مالك قبلهم التابعين قبلهم الصحابة. La biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, ça motive la personne, ça motive la personne جدا. من العوائق كذلك ولعله الأخير أو قبل الأخير التسويف. Ça revient à ce qu'on a dit avant. التسويف, ça vient de سوف. سوف أفعل. Aïe, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Toujours repousser. هذا, bien sûr, il y a un tafsil. Il y a des choses, on doit repousser. Il y a des choses, on doit repousser. Maintenant, un gros livre, j'ai pas encore le niveau, un frère il me parle de ce livre, tu repousses. Inch'Allah, je le ferai. Ça, c'est taïb. Lakin, an, on parle de te suivre dans des choses qu'il faut faire l'an. Ya akhi, ihfad le Coran. Inch'Allah, plus tard. Inch'Allah, dans un an, deux ans, je commence. Ya akhi, ihfad des hadiths. Ya akhi, apprends ton din, apprends ton tawhid, ta aqidah, demain, demain, demain. Hada, c'est min wasawis iblis kadalik. قال عز وجل فاستبقوا الخيرات. المسلم il doit pas repousser des choses دائما. لا خاصة شيء الحاجة. Il y a des choses c'est obligatoire de connaître الآن. Chaque muslim il doit connaître shahada. Chaque muslim il doit connaître sa aqida. Chaque muslim il doit connaître son prophète. Chaque muslim il doit connaître son din. فهذا c'est pas tous les jours on repousse. Demain, demain, demain. لا. والعائق الأخير نحن اختصرنا يا دي زوت خبستاك لكن الأهم هذا المعاصي. المعاصي صفي جمال مسلم لبشي صفي جمال مسلم جدا من باب أولى طالب العلم والله المستعان. قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآية يا شرط شجب العلم شجب الفرقان. الفرقان سلفت دي سغني. Le vrai du faux, le tawhid du shirk, la bid'a de la sunnah. C'est ça un furqan. C'est pour ça que le Coran, parmi les noms du Coran, il y a le furqan. Si tu veux ce furqan, et ce furqan, il est bâti sur le ilm, il y a une condition. Qala azawajal, in tattaqullah. Et taqwa, c'est le fait de faire les obligations et les choses recommandées et s'écarter du haram. Et des choses qui ne sont pas recommandées. C'est ça le taqwa. Celui qui fait de ma'asi, il n'a pas haqqaqa taqwa. Fahada, tu trouveras, il aura du mal fil'id. Wasma' li kalam ibn Maz'ud, qal, inni la ahsab al-rajul yansa al-ilm, qad alimahu bil-dhanb ya'malu. Jami' bain al-ilm, l'ibn Abdelbar. Ibn Maz'ud, il dit, la personne, ahyanan il oublie l'ilm, il oublie une mas'ala, il oublie une fatwa, il oublie une page du Coran, un verset, il a akhri, il oublie un hadith. Ibn Mas'ud il a dit c'est un péché qu'il a fait avant. Péché il a fait avant, c'est la cause. La cause, ça noircit le cœur et la personne il oublie. Fa da'iman on se corrige fi hada al-bab. Et la personne il n'est pas ma'soum. Abadan. Abadan, la personne il fera des péchés. Lakin, la yata'ammad. Et s'il glisse, at-tawba. Et nahnu, on est muqassir fi hada al-bab. On est muqassir fi hada al-bab ou fi ghayrih. قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الإمام الشافعي لا سيتي سيفير دو بويزي أنه إلى دماندي أ سون شيخ وكيع أنه إلى جمال أحفظ. انظر الإمام الشافعي مالغري سا سي دوفني إمام إمام السنة. Eux, dès qu'ils ont un problème, ils lâchent pas, ils demandent. Hakada anta, un problème, demande. Ya shir, j'ai du mal à kada. Ya shir, amma, j'ai un problème, khalas. Je lâche tout, là. Qui c'est qui a pas de problème, ya akhi? Fa arshadani la tarkul ma'asi. Ondur la nasiha d'alim. Nasiha courte. Elle a été utile à Shafi'i toute sa vie. Là, tu vas prendre Nasir Havagafar, il va te parler pendant deux heures. Il va te faire perdre ton temps, tu sais même plus ce qu'il veut. Hua. فالنصائح التوجيهات كما نشتكيها عند أهل العلم بعد كل موند هكذا بعض الناس أنا جايك فكيف الجخير يسفى مساكين قال فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي نعم هذا العلم سيئن لمير يا الله سبحانه وتعالى يدن بس لمير أن بشير أبدا أبدا فسنموت أن أن دي بلو غانز أبستاك بور طالب علم سيسي بشير هو وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، أن أريد أن شيء من الكتاب لكن الوقت ذهب. الحاصل أن طالب العلم يستعين بالله ويدعو الله سبحانه وتعالى. Toutes ces choses qu'on a citées n'y arrivera pas إلا بتوفيق الله. La personne دائما يرجع الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية فدائما المسلم يغفي الله سبحانه وتعالى فأنت دمض الله سبحانه وتعالى كي تفاسلت كي تكار دفتن كي تفاسلت سيزيبخوذ حتى بإذن الله تسرع على خير أما المراجع لغفرانس مزيد الفائدة في هذا الباب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله ونحن والله الحمد لله بين المغرب وعشاء في درس الشيخ صار كتاب مهم كذلك من المراجع السير سيار أعلام النبلاء للإمام الذهبي أي سيدي بيوغرافي للسلف كذلك كتاب عوائق طلب العلم لابن برجس رحمه الله الشيخ عبد السلام إن رسالة نافعة أظن لا فوند هنا ونحن ونلخص الرسالة tous les points il a écrit une risala que dans ça les obstacles pour ou les obstacles sur le chemin de talab al-ilm risala nafi'a كذلك من المراجع عوائق في طريق طالب العلم للعلامة الشيخ ربيع حفظه الله c'est un petit livret le vendre هذه الأيام كذلك le même sujet كذلك كتاب معالم في طريق طلب العلم استفدنا منه الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله فكتاب إلي معروف إلي مشهور إلي نافع فالليفغ شو طلب العلم كومون فير لزوبستاكل إلى آخره سالليفغ طيب فهذا صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين الذي عنده شيء يتفضل أو نقف هنا دماء بإذن الله On commence le dors. Là-bas, avant les doros, les introductions, là-bas. On a vu, là, on fonce, on fait des livres et après, ahsan hada. C'est pour ça, là, je vous conseille, si un jour vous faites des doros au frère et l'akhir, ne précipite pas. Deux jours, ça fait aucun mal, belle test à vie. Tu fais des conseils par rapport aux besoins. Par rapport aux besoins, hakada din. Le prophète sallam, il a dit din nasiha. Amma on fonce hakada un livre, la moitié elle part et ça nous touche pas là. حياكم الله مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين